Chapitre 14e, une splendide catastrophe. Lorsque sans patience, ouvrant les yeux, reprit conscience de la vie extérieure, il se vit couché dans une chambre assez vaste et meublée avec ce sobre confort qui est particulier à certains hôtels américains. Il se sentait excessivement faible et éprouvait des douleurs sourdes dans la tête. Instinctivement, il y porta la main et sentit sous ses doigts le linge d'un pansement volumineux. Alors il se souvint. Dans un éclair, il revit la fabuleuse randonnée et l'épisode dramatique qu'il avait terminé, et tout de suite, sa pensée alla à son compagnon d'aventure qu'il s'était mis à chérir comme un frère. À côté de son lit, un homme assez grand, sec, au visage glabre et osseux, portant des lunettes à monture d'or, le regardait en souriant. « Enchanté d'assister à votre renaissance, gentleman !» prononça ce personnage en français assez correct, mais avec un accent guttural prononcé, et se présentant, « Docteur Buller, qui vous soigne de son mieux depuis 12 jours. »« Depuis 12 jours ?» s'écria sans patience, en voulant se mettre sur son séant. Mais ce simple mouvement lui fit pousser un hurlement de douleur. Il lui semblait qu'il avait tous les membres rompus. « Il faut rester en repos, gentleman, » dit placidement le docteur. « Vous devez être très courbaturé, je devine. Mais rassurez-vous, vous n'avez rien de cassé. C'est votre tête qui était la plus malade. Mais vous êtes à présent hors de danger. Et mon compagnon ?» L'autre gentleman est un peu plus malade que vous, mais avec l'aide de Dieu, il se tirera de là aussi. Sans patience, regarda fixement le docteur. « C'est bien vrai, » demanda-t-il. « Je vous l'affirme, gentleman. Il y a même 8 jours qu'il vous réclame. Qu'a-t-il ? Beaucoup de contusions, une fracture de la jambe droite, une blessure au cou, la plus grave, un éclat de bois qui a traversé la gorge à 2 pouces de la carotide. Il s'en remettra. « Puisque je vous le dis, seulement ce sera un peu plus long que pour vous. » Où est-il ? Dans la chambre voisine. Je voudrais le voir. Y pensez-vous, gentleman ? Vous ne pouvez faire un mouvement. On me portera. Je m'y oppose. Très bien, dit sans patience. Alors j'irai seul. Et il fit un mouvement pour se lever. Au diable, votre caboche de français ! S'écria le docteur aux abois, en se précipitant vers lui. Voulez-vous rester tranquille ? Je veux voir mon ami. Le digne M. Buller se mit à sacrer comme un païen. A-t-on idée ? Vous ne tenez même pas assis. « Vous allez retarder d'un mois votre rétablissement. »« Je veux voir mon ami !» répéta sans patience avec obstination. « Vous le voulez ?»« C'est bien. On va amener son lit ici, dans ma chambre. »« Oui, et nous resterons ensemble, si vous voulez. »« Alors vous êtes un ange, docteur !» dit sans patience, qui, épuisé, laissa retomber sa tête. « Et je vous remercie. » L'autre n'eut pas l'air d'entendre. Il grommela encore, caboche de français, puis sortit de la chambre. Une demi-heure plus tard, les deux amis étaient ensemble. Chacun dans leur lit, ils pouvaient se voir, mais, et sur ce point le docteur fut intraitable, il leur était interdit de se causer. Du reste, la blessure de l'ingénieur le gênait encore pour parler. Satisfait de revoir son ami et tranquillisé de le savoir hors de danger, sans patience, cette fois, se soumit de bon cœur aux exigences du docteur. Un peu après, il finit même par s'endormir d'un sommeil réparateur qui dura le reste de la journée et toute la nuit. Le lendemain, quand il s'éveilla, il se sentit beaucoup mieux. Il était toujours courbaturé, mais sa tête le faisait moins souffrir. De plus, il avait faim. « All right !» dit le docteur. « Excellent signe ! Eh bien, si vous avez faim, gentleman, on va vous donner à manger. » Sans patience, déjeuna donc d'un potage et d'une aile de poulet, le tout arrosé d'un doigt de vieux Bordeaux. « À présent, » dit-il lorsqu'il eut terminé. « À présent, docteur, puis-je vous interroger ?» L'excellent homme tira sa montre. « Vous le pouvez, » répondit-il avec flegme, « j'ai 1 heure à vous donner. » « Alors expliquez-nous ce qui nous est arrivé au-dessus de New York. Nous n'avons rien compris ni l'un ni l'autre à cette agression aérienne, laquelle, entre parenthèses, n'est rien moins que flatteuse pour l'hospitalité américaine. »« Grâce au ciel, on a pu faire la preuve que l'Amérique n'avait rien à voir. » »« Dans ce guet-apens de Forban, » dit vivement le docteur. « Il faut d'abord que vous sachiez qu'en dépit de vos précautions, votre tentative a été connue presque immédiatement après votre départ. Votre atterrissage à Quimper avait donné l'éveil, et d'autre part, les nombreux navires que vous aviez rencontrés sous l'océan avaient télégraphié partout la nouvelle de cette rencontre. Or, du 17 au 21, on n'eut plus de vous aucune nouvelle, et l'on vous croyait perdu lorsque le 22, on signala que votre aéroplane venait d'aborder le continent par le Cap Cad et semblait se diriger vers New York. Immédiatement, une manifestation monstre fut préparée ici. On choisit le terrain d'atterrissage que vous avez vu et on se précipita en foule vers Jersey City, où se trouvaient déjà le consul de France, la colonie française et le secrétaire de la marine, envoyé officiellement pour recevoir au nom de la nation et du gouvernement américain le héros du raid transatlantique. « Matin ?» fit sans patience, non sans une rétrospective fierté. « Ne vous étonnez pas de l'accueil qui vous était préparé ici, » reprit le docteur. « L'Amérique aime les audacieux. Or, qu'y a-t-il de plus audacieux que cette traversée de l'océan, effectuée seule, sans aide d'aucune sorte, sans secours possible en cas de danger ?» Certes, ce raid lui-même est merveilleux et surtout fécond en résultats, puisqu'il va permettre d'abréger des deux tiers la distance qui sépare les deux continents. Et s'il peut être imité et égalé par la suite, il ne sera jamais dépassé. Et vous n'en conserverez pas moins la gloire immortelle d'avoir osé affronter les premiers, froidement, résolument, les périls d'une entreprise réputée impossible et la terreur de l'immensité. Si vous aviez succombé à la tâche, notre nation vous eût pleuré comme des héros de l'humanité. Vous triomphiez, au contraire, alors qu'on avait toutes les raisons de vous croire perdu. Aussi ne vous étonnez pas si, ici, l'enthousiasme a pris tout de suite de telles proportions. Bref, vous arriviez au-dessus de Jersey City, et tout le monde avait l'impression que vous vous disposiez à descendre, lorsqu'on vous vit évoluer et vous diriger vers l'ouest. En même temps, on aperçut un autre aéroplane venir sur vous. Je vous laisse à penser quelle fut l'impression causée par la manœuvre menaçante de l'appareil qui venait à votre rencontre. J'étais présent. Vous dire ce que j'éprouvais, lorsque traîtreusement et à l'improviste, je vis l'autre foncer sur vous, est impossible. Il y avait là plus de 100 000 personnes. Un silence impressionnant s'abattit instantanément sur ces foules angoissées, et lorsqu'on vit votre appareil s'élever au moment précis pour éviter la collision, il y eut un immense soupir de soulagement. Mais on sentait que le drame ne faisait que commencer. On devinait que votre intention était non pas de fuir, mais d'accepter le combat avec ses formants de l'air, et l'émotion ne fit que grandir en vous voyant tous deux gagner de hauteur. Ce qui se passa ensuite, ceux qui avaient des jumelles purent seuls le distinguer, et encore, vous étiez à 1 000 ou à 1 200 mètres d'altitude. 920, exactement, rectifia sans patience, soit à 920 mètres, et à l'œil nu, on distinguait à peine deux points noirs. Bientôt, on vit un des points noirs grossir rapidement. C'était votre adversaire qui tombait. Il tombait, comme une pierre, retournée complètement. Il s'abattit à 10 mètres d'une villa de Newark, sur un groupe de spectateurs, dont 11 furent littéralement aplatis et une 15aine blessés. De plus, en touchant terre, ces débris prirent feu, et les spectateurs écrasés sous l'appareil furent en partie carbonisés. J'ai su cela par la suite, car je me trouvais à 2 kilomètres de là, non loin du chemin de fer et à proximité de Jersey. Je vous vis descendre. Il y avait dans la tenue de votre appareil quelque chose d'insolite, qui fit tout de suite penser que vous aviez subi de graves avaries. Mais on croyait néanmoins que vous réussiriez à atterrir normalement lorsqu'on vit soudain votre descente s'accélérer, puis, à 40 ou 50 mètres de terre, votre aéroplane se retournait. Ce fut la chute. Dans la foule, n'est-ce pas? Dans la foule, oui. J'entendis de loin des cris effroyables. Je vis un immense remous d'hommes qui refluaient dans tous les sens. Puis il y eut une seconde de morne silence, d'où montaient des plaintes et des lamentations. Je me souvins que j'étais docteur, et réussis à me frayer un passage au milieu du flot humain terrorisé. Quand j'arrivai sur le lieu de votre chute, j'aperçus votre monoplan complètement retourné sur ses ailes, les flotteurs en l'air. En se retournant, comme vous n'étiez pas attaché, ils vous avaient vidé tous deux, et vous étiez tombés chacun de votre côté, sur des têtes. Sur des têtes, oui, et ce fut heureux pour vous. Ce le fut évidemment moins pour les propriétaires des têtes en question. Eh bien, le croiriez-vous? Ni l'un ni l'autre. Vous n'avez tué personne en tombant. À vous, gentlemen, vous êtes arrivé sur la foule à tête en bas. Votre chef heurta celui d'un de mes compatriotes, lequel avait sans doute la caboche plus dure que la vôtre, car il en fut quitte pour un évanouissement. Quant à votre crâne, il s'en tira avec un soupçon de fracture. « Aïe !» fit sans patience, en portant machinalement la main à sa tête. Mais ce fut beaucoup moins grave que mes confrères et moi le croyons tout d'abord, se hâta d'ajouter le docteur. « Vous avez, il est vrai, battu la campagne pendant 11 jours, mais vous voilà, sinon rétabli, du moins en bonne voie de guérison. C'est ce qui me rassure. dit sérieusement sans patience. « Mais, mon ami » questionna-t-il en jetant un coup d'œil sur le lit où l'ingénieur écoutait, silencieux par ordre, mais souriant. Lui, il n'assomma personne. Seulement un spectateur qui se trouvait là, tellement pressé par la foule qu'il était obligé de tenir sa canne verticalement en l'air comme un fusil. Votre ami tomba sur cette canne qui se brisa et dont l'extrémité brisée lui pénétra dans la gorge de la façon que je vous ai dite. De plus, il fut ensuite piétiné par la foule prise de panique, d'où fracture de la jambe et contusion multiple. « Allons, nous avons cru de la chance, » conclut sans patience. « Vous pouvez le dire, un vrai miracle. Mais le mieux, c'est que votre aéroplane lui-même est presque intact. »« Intact ? » ?»« Je dis bien, intact, sauf l'hélice brisée, ainsi que les instruments, et quelques fils de commande rompus. Il n'a pas d'autre mal. Il faut dire aussi qu'il est tombé sur un véritable matelas humain, qui a considérablement amorti le choc. Alors, encore des victimes ? Naturellement. À cet endroit, la foule était tellement dense et tellement pressée que ces malheureux ont vu tomber la mort sur eux sans pouvoir faire un mouvement pour l'éviter. Votre appareil est tombé d'un bloc par les ailes sur cette surface de tête horrifiée. Celles qui dépassaient furent littéralement réduites en bouillie, et toutes les victimes qui, par la suite, furent retirées de dessous cet aérolite meurtrier avaient le crâne fracassé. Combien de morts ? 18. Et de blessés ? Tous ceux qui avaient touché votre appareil sont morts. S'il y eut des blessés, ils le furent indirectement, si je puis dire, soit qu'ils étaient renversés et piétinés par la foule de ceux qui essayaient de fuir, soit qu'ils fussent renversés par l'aéroplane, quand le vide étant fait autour d'eux et n'étant plus soutenu, les rangs des morts oscillèrent et s'affaissèrent sous le poids de l'engin. « Horrible !» murmura sans patience. « Oui, » continua le docteur, non sans orgueil. « Oui, ce furent là des accidents bien américains. » Et tous nos journaux se sont trouvés d'accord pour affirmer que seule l'Union pouvait être le théâtre d'une catastrophe aussi splendide. « Comment ?» s'écria sans patience stupéfait. « Et inédite surtout. Inédite, comprenez bien. » Poursuivit le docteur avec une animation croissante. « Jamais, depuis que le monde est monde, on n'avait vu chose pareille. D'abord, votre raid, splendide par lui-même, puis votre apparition au Cap Cad, votre traversée partielle de l'Union, votre arrivée au-dessus de New York, tout cela splendide aussi. Enfin, un combat aérien, le premier, gentlemen, le premier dans l'histoire de l'humanité, songez-y. De plus, on se rendait compte que ce combat, votre vitesse vous permettait de le refuser, mais que vous n'aviez pas voulu. Et cela vous faisait juger digne d'être américain. Cela fut trouvé encore plus splendide que vous. Oui, dit sans patience, mais les victimes, bois, répondit le docteur. « Ici, nous n'attachons pas trop d'importance à ces détails. Nous savons bien qu'il ne peut y avoir de belles catastrophes sans victimes. Or, nous aimons les belles catastrophes. Et pour 200 ou 300 morts et 500 ou 600 blessés, comment ?» interrompit sans patience qui tombait de stupéfaction en effarement. « Nous avons tué tant de monde que ça. Vous oubliez la panique, gentlemen. Il y avait là plus de 100 000 personnes. Avant le combat aérien, il y en avait déjà eu un certain nombre d'écrasés. Lorsque les deux aéroplanes sont tombés, il s'est produit, aux deux extrémités de cette foule, des poussées formidables et contraires, les uns voulant fuir, les autres voulant s'approcher de l'endroit où l'on avait vu tomber les engins. Il s'ensuivit une marmelade générale, comme vous dites, je crois, vous autres Français. Vous pouvez imaginer cela d'ici. Le gouverneur de l'État de New York a été tué. Le secrétaire de la marine et votre consul blessé, ainsi que le milliardaire Smithson, le roi du cuivre. Quant aux victimes moins proéminentes, elles se chiffrent par centaines. C'est tout de même beaucoup. Pour une catastrophe inédite, s'écria le docteur avec une sorte d'indignation. Dites donc, ce n'est guère. Je sais bien qu'il y a eu aussi l'incendie. L'incendie ? Balbutia sans patience, qu'un réel abrutissement commençait à gagner. Parfaitement. Comme je vous l'ai dit, l'aéroplane des Fourbanks qui vous avait attaqué est venu s'écraser à proximité d'une villa de Newark. En tombant, le réservoir d'essence s'est ouvert, le feu a pris aux débris, s'est communiqué à un hangar et de là à une villa. Le vent soufflait de l'ouest. De plus, les pompiers s'étaient dispersés pour assister à votre arrivée. Bref, l'incendie gagna un pâté d'une quinzaine de maisons qui ont été réduites en cendres. « Et il y a d'autres victimes, sans doute ?»« Non, » répondit le docteur avec regret et du ton dont il aurait répondu malheureusement. « Mais qu'on va provoquer chez eux de pareilles calamités, vos compatriotes doivent nous maudire, vous ?» s'écria le docteur. mais ils sont prêts à vous adorer à genoux. Tenez, ce compatriote dont je vous ai parlé et sur la tête duquel vous avez chu. Eh bien, assommé, il s'est évanoui pendant une heure. Quand il est revenu à lui, il avait sur le côté du crâne une formidable bosse. C'est moi qui l'ai soigné. Eh bien, il m'a supplié de faire tout mon possible pour empêcher que cette bosse disparaisse. Il voulait la garder en souvenir. C'en était trop. À ce trait baroque et bien américain, raconté avec un flegme imperturbable, les deux amis furent pris d'un fou rire pendant que le docteur continuait. De plus, savez-vous qu'au bureau de l'hôtel, l'Atlantic Hotel, il y a plus de 1000 lettres qui vous attendent? Savez-vous que tous les gouverneurs d'État, tous nos ministres et jusqu'à notre président lui-même font prendre de vos nouvelles tous les jours? Savez-vous que le couloir qui donne accès à votre chambre est gardé par un poste de policeman afin d'empêcher le flot de vos admirateurs de pénétrer jusqu'ici? Savez-vous que le Sénat vous a octroyé à tous deux, par acclamation, le titre de citoyen américain? Savez-vous assez, assez, docteur? Cria sans patience, en tenant à deux mains sa tête malade. Ayez pitié de ma pauvre caboche, comme vous dites, je n'en puis plus. C'est juste. J'oubliais que j'avais affaire à un convalescent. Je suis impardonnable. Excusez-moi en faveur de la sympathique admiration que j'éprouve pour vous, gentlemen. Du reste, ajouta tranquillement le digne homme, l'heure est passée. Je vais donc vous laisser reposer, je reviendrai ce soir. C'est cela, docteur, revenez ce soir. Le docteur se retira, après avoir renouvelé le pansement de l'ingénieur, et sans patience tomba dans une demi-somnolence, pendant laquelle il eut des visions d'aéroplanes se précipitant l'un sur l'autre, de gigantesques écrabouillements de foule et d'incendies transformant des villes entières en mers de flammes. Ce fut dans cet état qu'il crut se souvenir que les jours précédents, alors qu'il devait être dans le délire, il avait eu d'autres visions moins terrifiantes, celles de visages connus penchés sur lui. D'abord, une douce et pâle figure de femme aux yeux rougis, et qui ressemblait à celle de René Dubois. Puis, un autre visage, masculin celui-là, énergique et osseux, avec une barbiche grisonnante et des yeux enfoncés sous d'épais sourcils. Celui de son oncle défunt, dont le testament était la cause de tant d'aventures périlleuses. Hallucination provoquée pendant mon délire par ma caboche fêlée, murmura presque tout haut, sans patience. La sœur de son ami passe encore. Rien d'étonnant qu'il en ait eu la chère vision. Il y avait tant pensé, mais son oncle m'aurait enterré depuis plus de 6 mois. Cet idiot, grommela encore sans patience, sur quoi il finit par s'endormir d'un sommeil profond.